Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Mille, je suis doctorant au laboratoire Crater à l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce sujet de thèse qui s'intitule « Le pisé de terre dans le bâti ancien urbain de l'agglomération lyonnaise ». Donc c'est un travail qui est dirigé par Hubert Guillot du laboratoire Crater et co-dirigé par Thierry Jouffroy. Et financé par le LABEX AE et CC. Alors, un plan de cette présentation. D'abord, je vais présenter un peu la terminologie du sujet. Ensuite, faire une synthèse de l'état initial de la question pour arriver à une présentation de la problématique de recherche et des hypothèses associées. Puis, de la méthodologie envisagée, du planning de recherche. Et pour conclure sur un avancement et les premiers résultats et une conclusion, sachant que là je suis en fin de première année de ce travail. Alors, donc, il s'agit de piser, c'est-à-dire d'une matière comprimée en masse avec un pilon dans des banches, et de piser de terre parce qu'on a pu employer à différentes périodes, notamment au 19e et au 20e siècle, d'autres matières qu'on a pisées, notamment du mâche-fer ou des premiers bétons. Et donc là, il s'agit uniquement de s'intéresser aux pisées de terre dans le bâti ancien, c'est-à-dire avant la production industrielle du 20e siècle, et urbain, c'est-à-dire dans un contexte vraiment urbain, en ville, et sur l'agglomération lyonnaise, parce qu'il nous semble a priori que c'est un territoire qui est assez représentatif de la présence de pisées urbains. Alors, un état de la question, les vestiges les plus anciens connus à Lyon et identifiés à ce jour datent du XIVe siècle et ont été identifiés lors de fouilles archéologiques au nord de la place de Terreau, c'est-à-dire dans un quartier qui était à l'époque extramuros. Et il semblerait qu'effectivement le pisé soit utilisé sur l'agglomération lyonnaise dès le XIVe siècle et comme ça autour, à proximité de la ville, mais extramuros, au XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis au XVIIIe siècle, c'est une période de renouveau avec des grands théoriciens sur la construction en pisé. On retient surtout le nom de Cointreau, mais il y a aussi Boisfond, il y a aussi l'abbé Rosier, puis après Rondelet, et ensuite même Coigné au XIXe siècle. Et donc, sous l'impulsion de ces théoriciens, il y a un renouveau du pisé, de son emploi, notamment dans les quartiers nouvellement urbanisés au XIXe siècle. Et cette urbanisation et l'utilisation du pisé va être très malmenée avec des inondations notamment sur la rive gauche du Rhône en 1840 et en 1856 qui vont générer une interdiction stricte de la construction en pisé par le préfet Vaïs. Alors, on aurait pu penser que le pisé, après ces destructions et cette interdiction, aurait disparu. Et les premières chercheuses, Dominique Bertin et Anne-Sophie Clémenceau, qui se sont penchées sur la question, ont découvert dans les années 80-83, dans le cadre d'une recherche sur Cointreau, qu'il y avait peut-être plus de pisés que ce qui était imaginé encore sur l'agglomération lyonnaise. Et du coup, elles ont commencé à faire une première localisation, à voir des typologies, notamment des bâtiments déjà assez élevés. Elles ont ébauché la notion de pisé urbain, un petit peu en opposition avec l'image traditionnelle du pisé rural qu'on connaît bien, notamment dans la région du Dauphiné. Des recherches archivistiques aussi qui ont été ébauchées. Et malheureusement, c'est un travail qui n'a pas été terminé faute de financement et qui n'a pas été publié. Le travail suivant date de 2012, c'est une étudiante à l'école d'architecture de Lyon qui a fait une première relecture de cette recherche des années 80 et qui a fait une courte publication visant plutôt à faire connaître et à sensibiliser cette question du pisé urbain à Lyon. Alors, en parallèle de ça, il y a d'autres chercheurs qui ont pu travailler sur du bâti en pisé, par exemple les archéologues, j'en parlais tout à l'heure, également le service régional de l'inventaire, qui réalise un inventaire topographique systématique de la ville de Lyon depuis 1998, et qui du coup, à l'occasion de certaines fiches immeubles, a pu repérer dans des matériaux de construction la présence de pisé, Mais cette approche sous l'angle du Pisé n'a jamais été effectuée et du coup le Pisé n'est pas toujours repéré. Ici, par exemple, on voit un bâtiment de la fin du 19e siècle à Bronze et une partie de l'hôpital du Vinatier, donc c'était un hôpital départemental. Et puis, plus proche de nous, Lyon est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Et j'ai été frappé de constater que dans le dossier de candidature à ce classement, le mot Pisé n'apparaît pas une seule fois, ni dans le plan de gestion qui date de 2013. Alors que quand on va sur le terrain, le Pisé est bien présent, mais difficile à identifier parce que le bâti urbain étant toujours recouvert d'enduit, il est difficile de voir quels sont les matériaux de construction. Et donc c'est à l'occasion de chutes d'enduit, de lacunes, qu'on peut constater effectivement la présence de Pisé. Et du coup, cette lecture du Pisé est associée à des pathologies, puisque qui dit chute d'enduit dit a priori pathologie dans la grande majorité des cas. Donc ce qui peut mettre en avant aussi des problèmes de savoir-faire ou des problèmes de manque de sensibilisation, qui peut aller juste d'une chute d'enduit à des choses plus dramatiques, comme ici un effondrement de maison dans le 3e arrondissement. Et du coup, tout cela peut donner aussi une image assez négative à la présence de Pisé, qui est visible depuis l'espace public ou depuis les médias uniquement à travers la pathologie. Et également, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des bâtiments qui ont été beaucoup construits dans des quartiers du 19e siècle qui sont aujourd'hui soumis à une forte pression immobilière. Et donc, il y a beaucoup de destruction ou de reconstruction et réaménagement qui, a priori, ne prennent pas forcément bien en compte les forces et faiblesses de ce matériau. Et pour terminer cet état de la question, j'ai été frappé, comme déjà l'ont été Dominique Bertin et Anne-Sophie Clémenceau dans les années 80, sur la présence de Pisé dans peut-être du bâti qu'on n'aurait pas imaginé a priori, et notamment du bâti très élevé comme certains immeubles de type Canu. Ici, un mur pignon d'immeuble Canu en R+4 à Caduire. Donc, de cet état de la question, en résumé, il me semble qu'il y a un bâti qui est aujourd'hui assez mal connu, qui n'est pas du tout valorisé et qui peut être menacé par des pratiques inappropriées et la pression immobilière dans certains quartiers. D'où une question de recherche qui est quels sont les enjeux patrimoniaux liés au bâti ancien urbain en pisé de terre de l'agglomération lyonnaise, avec trois hypothèses de recherche associées. La première, qui serait que bien que mal connu, voire totalement méconnu par les acteurs locaux, le Pisé est très présent dans le bâti ancien urbain de l'agglomération lyonnaise, et donc qui viendrait confirmer les premiers résultats de la recherche de 80 à 83. La deuxième hypothèse, qui concerne les valeurs patrimoniales, qui serait que certains de ces bâtiments sont porteurs de valeurs patrimoniales fortes. Et puis la troisième, qui concerne la question de la reconnaissance patrimoniale qui pourrait soutenir l'émergence de bonnes pratiques de conservation, restauration et de valorisation de ce bâti. Donc c'est un travail qui a deux types d'objectifs. D'abord un objectif scientifique et notamment le fait d'apporter de nouvelles connaissances sur l'histoire urbaine de l'agglomération lyonnaise. Et puis des objectifs également plus opérationnels de sensibilisation des parties prenantes à la présence de Pisé, de poser les bases d'un diagnostic de la situation actuelle et d'amorcer un processus de patrimonialisation. Alors, d'un point de vue méthodologique, pour essayer de répondre à cette première hypothèse, donc qui est sur la réalité du bâti en Pisé, l'idée est de faire tout d'abord une cartographie, de savoir dans quel quartier il y a du Pisé, dans quel type de bâtiment, et de mettre cela en regard avec des entretiens avec des acteurs locaux très variés pour savoir quel est leur degré de connaissance de la présence du Pisé et mettre ces entretiens en regard avec cette cartographie. Concernant la deuxième hypothèse sur les valeurs patrimoniales, évidemment, ça nécessite d'abord de définir qu'est-ce qu'on entend par valeur patrimoniale. Donc, pour cela, je me suis basé sur les 6 valeurs posées par Riegel en 1903 et qui restent d'actualité forte. qui sont la valeur d'ancienneté, qui concerne plutôt l'esthétique de la ruine, la valeur historique qui concerne tout ce qui est la représentativité de l'évolution de l'activité humaine, la valeur commémorative, la valeur utilitaire et donc fonctionnalité, et puis les valeurs artistiques de nouveauté et relatives. Sachant que à la fois il y a besoin de définir ces valeurs, mais également qui définit ces valeurs, et ça ce sont les travaux plus récents, et notamment le document de Nara sur l'authenticité, qui insiste bien sur la nécessité de la multiplicité des points de vue, que ce soit des sources documentaires ou des acteurs, pour définir, pour que ce ne soit pas juste une personne dans son coin qui définisse ces valeurs. Donc pour définir ces valeurs patrimoniales, il me semble en premier lieu qu'il y a nécessité de documenter et caractériser ces édifices, parce qu'on ne connaît pas grand chose, par exemple, de leur datation, de la manière dont ils s'inscrivent dans l'histoire urbaine, afin d'argumenter la valeur historique, et puis de réaliser des entretiens avec les principaux acteurs concernés pour connaître un petit peu les valeurs que eux projettent sur ce bâti, valeurs ou des valeurs, le cas échéant. Et puis pour répondre à la troisième hypothèse qui concerne les pratiques, évidemment c'est par cette identification des acteurs, savoir quelles sont les pratiques sur le terrain et voir quels sont leurs impacts sur ce bâti en pisé. Alors le planning de recherche pendant cette première année a été consacré essentiellement à des observations de terrain, des premières observations, des entretiens préparatoires, également un suivi d'un inventaire participatif qui avait été initié l'année dernière avec le Musée des Confluences dans le cadre de Terra 2016, un congrès mondial des architectures de terre, et de compiler du coup toutes ces données de corpus pour pouvoir ensuite les verser dans un SIG et commencer une caractérisation, notamment de savoir dans quel quartier ils se trouvent, quelle est la datation en comparant par rapport à des cartes anciennes, etc. Donc ça, actuellement en cours, je suis sur cette partie ici de compilation des données et de versement dans le SIG. Et là-dessus, je suis assisté sur la mise en place de ce SIG par des archéologues du service archéologique de la ville de Lyon. Et puis, l'idée ensuite, une fois que ce corpus aura été mieux caractérisé, c'est de faire une sélection de bâtiments représentatifs d'un point de vue de la typologie, présentant de fortes valeurs historiques et des enjeux patrimoniaux forts et urbains qui sont forts, de manière à faire sur cette sélection, qui serait de 5 à 10 bâtiments, des approfondissements, que ce soit sous forme de relevés, d'études archivistiques ou d'entretiens, pour justement étudier ces valeurs, les pratiques et leurs impacts. Et puis également envisager une mise en perspective des modes de gestion à Lyon avec d'autres sites urbains qui présentent du patrimoine en terre pendant la deuxième année. Donc rapidement un avancement et des premiers résultats. Donc je disais, il y a une synthèse qui a été faite des différentes observations qui ont pu être faites par des chercheurs ou des acteurs. Tout cela, je suis en train de synthétiser dans un grand tableur général, de manière à avoir une lecture systématique de ce corpus. Et ce corpus a été versé sur une carte. Donc la carte n'est pas tout à fait à jour ici, mais à l'heure actuelle, on a à peu près 800 bâtiments qui sont référencés. Et les différentes couleurs correspondent aux différentes contributions, aux sources de ces contributions. Et du coup, ce qui saute déjà aux yeux, c'est que dans quasiment tous les quartiers de Lyon, on voit, que ce soit sur la partie basse de Lyon, sur la rive gauche du Rhône ou sur les hauteurs, on a bien des constructions en pisé qui sont répertoriées. Les seuls quartiers où finalement on n'a pas du tout de pisé pour l'instant qui apparaissent, c'est vraiment le quartier très ancien, central. Mais sinon, tout autour, il y en a parfois même énormément. Et sachant qu'à partir du moment où on a un point identifié, on peut imaginer que d'autres bâtiments sont également présents autour. Voici la même carte zoomée à l'échelle du centre urbain, et on voit que même sur le secteur UNESCO, et notamment sur les pentes de la Croix-Rousse, les hauteurs de la Croix-Rousse et puis les hauteurs de Fourvière, est bien présent aussi du bâti en pisé. Alors, qu'est-ce que pourrait donner cette sélection pour des approfondissements? En tout cas, il y a déjà un certain nombre de bâtiments qui retiennent mon attention. Comme ici, on est dans les pentes de la Croix-Rousse, un immeuble déjà assez haut, on est en R+3, et qui date du 16e-17e siècle. Et récemment, un découpage de la façade a fait apparaître des parties en pisé. Un autre bâtiment ici assez monumental, vraisemblablement du 19e siècle, une institution religieuse privée, on est à Cadmire. Donc on voit une très grande échelle et une présence du pisé, y compris pas uniquement dans des murs qui seraient moins ouverts, comme on a vu sur certains immeubles de Canu, mais également dans des façades qui sont assez ouvertes et avec aussi des problèmes de pathologie, là très important. Alors, le pisé aussi semble ne pas être réservé qu'aux constructions pauvres, ce qui pourrait être un préjugé sur ce type de construction, comme le montre ici cette maison bourgeoise qui date des années 1830 sur les hauteurs de Vaise. On le retrouve aussi dans des ensembles urbains, comme ici tout un quartier à Tassin-la-Demi-Lune, donc on est à l'ouest de Lyon, et où la plupart de ces bâtiments présentent du pisé, que ce soit en façade arrière ou alors sur des murs de pignon, voire en façade sur rue. Et puis également, j'ai déjà montré une image tout à l'heure, sur des bâtiments beaucoup plus élevés, comme ici dans le secteur UNESCO, en haut des pentes de la Croix-Rousse. C'est une cage d'escalier, là derrière ces fenêtres. Alors, j'en parlais tout à l'heure d'une possible mise en perspective. Plusieurs sites urbains en France retiennent pour l'instant mon attention. Il y a Toulouse, où il y a eu des grandes inondations en 1875 et une interdiction de la construction en adobe parce qu'il y a eu des effondrements, donc un cas très proche de ce qu'a vécu Lyon 20 ans avant. Il y a Troyes avec des immeubles type, on va dire haussmannien, en tout cas du 19e siècle, des immeubles collectifs qui utilisent la construction en pan de bois et en adobe et qui masquent tout ça par des bardages très décorés en bois. Et puis surtout Perpignan, où sont plusieurs quartiers, trois quartiers qui datent du 13e-14e siècle et qui présentent des très fortes concentrations en pisé. Tout est en pisé, mis à part les façades qui ont été reconstruites plus tardivement. Donc peut-être que j'envisagerai là pendant cette deuxième année d'aller notamment voir ce qui se passe d'un peu plus près à Perpignan, avec aussi des enjeux patrimoniaux actuellement, des quartiers qui sont assez qui ne sont pas mis en valeur avec des problèmes d'effondrement. Pour conclure cette fin de première année, si je reviens sur les trois hypothèses, la première, la réalité du bâti en pisé, donc comme je disais, à peu près 800 bâtiments répertoriés dans des divers secteurs et avec des typologies très diverses. Et je remarque en parallèle, en croisant les acteurs, qu'il y a un degré de connaissance très très variable. Il y a des personnes qui travaillent par exemple à la DRAC, à la Direction régionale des affaires culturelles, sur tout ce qui est monuments historiques ou bâtis anciens et qui n'en ont aucune connaissance, ou des architectes des bâtiments de France qui connaissent bien, des architectes du patrimoine qui eux n'ont jamais entendu parler de pisé à Lyon, alors que certains habitants d'une rue de la Croix-Rousse m'ont dit bah oui, toute la rue est faite comme ça, évidemment. Donc ça montre vraiment des degrés de connaissance très variés. Des valeurs patrimoniales qui, moi de mon point de vue, paraissent assez certaines, en tout cas sur la valeur historique, mais en discutant aussi avec des acteurs, on voit qu'elles sont appréciées de manière très très diverse. Et par exemple, je peux citer le cas d'un ensemble hospitalier d'une ancienne clinique où le gardien du site disait ah « bah quand même, c'est dommage, on va détruire l'immeuble en pierre et on va garder cet immeuble en pisé, donc qui vaut moins. » C'est... Voilà, donc, et ça, je l'entends très régulièrement sur le terrain. Et puis, également sur les pratiques, notamment les habitants, les usagers ou les régies me renvoient des difficultés pour trouver des professionnels qui semblent compétents et qui connaissent le pisé. Donc avec parfois des pratiques qui génèrent des pathologies et puis également des inquiétudes qu'ont la plupart des gens de voir justement ces pathologies qui sont très visibles depuis l'espace public ou dans les médias. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation. Donc on va maintenant commencer les échanges avec la salle et nous laissons dans un premier temps la parole à Monsieur Attel. Merci de votre invitation. Alors écoutez, je ne suis nullement un spécialiste de votre sujet. Je comprends bien l'inscription de votre thèse dans l'activité ancienne, connue de votre laboratoire, vous me permettrez de réagir d'abord à un élément de votre présentation qui est une sorte d'intention que vous avez portée à un quartier de Lyon dont par ailleurs vous ne dites, dont vous ne dites rien. Dans la carte que vous nous avez montrée sur les recensements patrimoniaux des architectures en Pisé, si j'ai bien compris votre légende, vous avez effectué des relevés un peu systématiques au sud-est de l'agglomération. C'est bien ça, les petites flèches blanches. Alors, oui, c'est une association qui a fait un inventaire assez systématique à cet endroit-là. Ce que je lis, reconstruction recensée par Emmanuel Mille en 2015. C'est non, c'est celle-ci-là. Ah, c'est celle-là. Association Mémoire Corbazienne. Donc, c'est moi qui ai fait une confusion, parce que je me disais, il a travaillé dans ce coin-là, et il ne nous en dit rien. Non. Donc, c'est une incompréhension là-bas. Et évidemment, ce quartier m'a attiré mon attention, parce qu'il est en bordure de l'agglomération, à proximité immédiate, voire à l'intérieur même d'une zone qui est encore une zone rurale. Et du coup, ça transformait un petit peu l'idée que vous développez d'une utilisation du Pisé en architecture urbaine. Est-ce que, pour insister tout de même sur l'usage que vous faites de cette carte, est-ce que cette carte justement vous apprend quelque chose que vous n'auriez pas pu observer, comprendre, évaluer sans elle? Vous avez dit que vous aviez versé à la carte un certain nombre d'informations procédant de ces différentes enquêtes documentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend ? Je pense que c'est assez fondamental pour avoir une lecture territoriale, justement de par la diversité des quartiers, de leur histoire urbaine, de leur géologie aussi. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que la géologie lyonnaise, du fait qu'on a des quartiers qui sont proches des fleuves et des quartiers en hauteur, donc on a des types de terres qui ne sont pas les mêmes. J'ai trouvé que cette carte, permet de poser des choses dans l'espace, ce qui manquait beaucoup au travail des années 80-83, où il n'y avait aucune cartographie qui avait été faite, c'était juste une liste de fiches. Et effectivement, tout d'un coup, je peux me rendre compte, parce que, comme l'indique la légende, ces contributions sont diverses, il n'y a pas que mes observations personnelles, c'est que mes observations personnelles pourraient me conduire à uniquement me focaliser sur ce que j'ai vu. Or, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été vues ailleurs, et on voit que c'est dans une diversité de contextes urbains ou géologiques qui est vraiment importante. Et l'idée de cette carte, après, donc c'est pour ça que je travaille avec les archéologues du service archéologique, parce qu'eux ont des cartes anciennes qui ont déjà été intégrées sous SIG, et c'est de pouvoir faire une datation relative dans certains quartiers ou de certains types d'édifices par cartographie comparée, pour ne pas se lancer dans des recherches d'archives complexes, trop complexes, et du coup pour voir déjà cerner un petit peu les datations et voir notamment comment elles se situent par rapport à une histoire assez chaotique du Pisé à Lyon au XIXe siècle. Donc cette approche par la cartographie, je pense qu'elle permet de caractériser mieux ce bâti. Alors, autre question que je souhaitais vous poser, au-delà du recensement et à travers cette enquête documentaire que vous conduisez, quelle est la chaîne de renseignement, d'information idéale que vous reconstituez? Parce qu'il y a manifestement une sorte de focalisation sur l'édifice. Il me semble que ça implique une approche en termes de, disons, de filière de production de bâtiments, avec les métiers afférents, avec les ressources afférentes. Est-ce que ça entre dans le cadre de votre travail? Sur l'analyse des pratiques actuelles, oui. Oui, tout à fait. Les pratiques d'aujourd'hui. Oui, oui. Donc de pratiques d'entretien, de restauration, etc. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que, peut-être je suis passé un peu rapidement là-dessus, c'est l'idée d'interroger d'une part les valeurs et d'autre part les pratiques et leurs impacts sur ce bâti. Et pour ça, c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir les acteurs, donc que ce soit les habitants, les artisans, les régies, les assureurs, les bureaux d'études, les agents des collectivités, des élus, architectes des bâtiments de France, enfin, toute la panoplie d'acteurs qui peuvent intervenir dans un site urbain complexe, et de savoir quelle est leur représentation de ces valeurs, qu'est-ce qu'ils trouvent comme valorisant ou dévalorisant, et puis quel est l'impact de leurs actions pour pouvoir dresser un diagnostic de cette situation. Troisième point sur lequel j'avais envie de vous entendre un peu davantage. Vous avez parlé au début de votre présentation de la dimension archéologique de votre travail. Vous avez bien montré qu'en complément de l'enquête documentaire, vous aviez vous-même pratiqué un certain nombre de terrains. Il me semble que dans une thèse d'architecture, cette relation à l'archéologie, vous travaillez d'ailleurs avec le service archéologique de la ville de Lyon, est de grande signification. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai que les archéologues, alors je pourrais parler des archéologues, mais il y a un autre service avec lequel je travaille beaucoup à la ville de Lyon, qui est le service des BALM, qui s'occupe des immeubles qui menacent ruine. Et je suis allé les voir, alors déjà parce qu'avant j'ai travaillé dans des agences d'architecture de rénovation du patrimoine à Lyon, donc c'est des gens, des interlocuteurs que je connaissais déjà très bien. Et du coup, je suis allé les voir parce qu'ils ont une très bonne connaissance de la ville, de l'histoire urbaine. Ils ne s'arrêtent pas qu'à l'époque moderne, mais ils vont jusqu'à nos jours. Et donc, déjà, ils avaient une connaissance et des outils, notamment de SIG, de cartographie ancienne, etc. Et puis, en parallèle, une connaissance de la ville qui ne s'arrête pas juste à ce qu'elle a d'apparent, mais aussi, puisqu'ils font beaucoup d'opérations d'archéologie en élévation, ou en tout cas de suivi de chantiers, notamment dans le Vieux-Lyon par exemple, et du coup ils rentrent vraiment dans la construction des bâtiments et les modes constructifs utilisés, et c'est un niveau d'information qui est très difficile à trouver sinon en dehors des archéologues et du service des BALM, parce que les personnes de l'urbanisme restent souvent à l'enveloppe, donc à l'enduit, et les ABF peuvent voir, mais ne le recensent pas de manière systématique. Donc ceux qui avaient peut-être plus une lecture et cette sensibilité, c'était les archéologues d'une part, et le service des BALM qui suivent les immeubles qui menacent ruine. Enfin, dernière chose, et ça probablement je serai amené à le demander à tous ceux qui vont présenter aujourd'hui, moi je suis très intéressé par l'itinéraire du chercheur, c'est-à-dire cette trajectoire qui va de motifs initiaux, pas forcément explicites, vers un résultat qui est à la fois la production d'une connaissance nouvelle, la justification d'une hypothèse originale, mais qui est aussi une manière de conforter des intuitions qui étaient présentes probablement dès le début. Et ça m'intéresse doublement parce que je sais que ces motifs initiaux sont souvent cachés, peu explicites, et un des résultats d'un travail de recherche, c'est justement de les faire apparaître en pleine lumière. Alors, à ce stade encore précoce de votre travail, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous êtes entré dans ce sujet? Oui. C'est vrai que je n'ai pas explicité, je vous remercie de votre question. Il se trouve que j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 8 ans, dans des agences de restauration du patrimoine à Lyon. Des agences qui interviennent surtout sur des monuments historiques et très peu sur le type de bâti qu'on a vu aujourd'hui qui soit sont des bâtiments publics mais non protégés, soit plus du bâti domestique. Mais dans ce cadre, je pensais avoir une assez bonne connaissance de la ville de Lyon. Et puis, il y a 3 ans, j'ai fait de DSA, architecture de terre à Cratère, ici. Et pendant un des cours du DSA, il a été évoqué des travaux de Dorothée Adex, et avec une photo qui présente Lyon prise depuis la Saône des pentes de la Croix-Rousse. Et c'est un quartier que je connaissais en plus doublement bien parce que j'y habitais, ou j'y avais habité un peu de temps avant. Et je me suis dit en voyant ça, mais c'est pas possible parce que je connais bien ce quartier, dans l'image, il n'y a pas un seul bâtiment qui est en pisé. Il n'y a rien en pisé. Et c'est de cette question que j'ai commencé à regarder plus en détail ce travail de Dorothée Adex que je connaissais un petit peu, que j'ai découvert le travail des années 80. Et moi, ça m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à regarder autour de chez moi, là où j'habitais, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse, et à voir des choses que je n'imaginais vraiment pas du tout, notamment ces immeubles de grande hauteur. Et c'est comme ça qu'est né cet intérêt, qui a été en fait d'abord ma propre surprise et mes connaissances de ce bâti. Et puis ensuite j'ai pu me tester, je disais un petit peu tout à l'heure, par rapport à mon ancien cercle professionnel, donc qui est plutôt les architectes du patrimoine, architectes des monuments historiques, ABF DRAC, Conservation régionale des monuments historiques, et qui me disait bah non, il y a eu des inondations, ou mes anciens professeurs à l'école d'architecture de Lyon, il y a eu des inondations, il y a eu l'interdiction, c'était en dehors, c'est peut-être dans des quartiers ruraux aujourd'hui qui ont été pris dans l'agglomération, mais pas en ville, pas. Voilà. Et j'ai été frappé de ce décalage entre la réalité et les discours et les croyances, y compris que moi-même je pouvais avoir. Merci. Merci, Michel Attali. La salle, s'il y a des questions pour continuer cet échange. Je vais poser une question sur l'exhaustivité de l'inventaire par rapport à la cartographie. Parce que vous disiez effectivement, quand on était au congrès Terra, j'avais entendu parler de l'inventaire participatif. Mais finalement, est-ce que dans la carte que vous montrez, c'est juste parce qu'à cet endroit-là, les gens se sont intéressés ou pas? Et comme vous avez l'ambition de faire la cartographie, comment on s'assure que les blancs ne correspondent pas juste à une absence d'intérêt ou de présence d'acteurs dans ce quartier, en fait? Alors, je vous remercie, je pense que c'est vraiment une question essentielle. La question de l'exhaustivité, j'ai l'impression que toutes les personnes qui se sont approchées de ce sujet, elle était déjà présente en fait dans la recherche des années 80, de se dire, et si on arrivait à être exhaustif, à tout repérer, etc. etc. En fait, cette exhaustivité, elle implique un prérequis de se dire, bon, je connais parfaitement les typologies, les différents types de bâtiments, et du coup, à partir de là, je vais pouvoir, par présupposé, imaginer que celui-ci est en pisé et celui-ci ne l'est pas. Or, en fait, sur le terrain, je me rends compte que ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que sur le quartier de la Croix-Rousse, par exemple, il y a des immeubles de canuts dont la façade est en pierre et les murs de refend ou les murs pignons sont en pisé, et puis parfois, on peut avoir l'inverse. Et on peut avoir le mur pignon qui est en pierre. Donc, et puis on peut avoir tout en pierre alors que tout le reste de la rue est en pisé. Et ça, on ne le voit que de manière très partielle, c'est-à-dire quand les enduits tombent, donc s'il y a une pathologie, une réflexion, ou s'il y a eu un décroutage d'enduits, ce qui est rarissime parce que c'est contraire à la culture urbaine lyonnaise, où c'est une culture d'enduits. Et de ce fait, l'exhaustivité me paraît impossible et dangereuse, parce que du coup, on pourrait passer à côté de choses, et puis même elle pourrait servir de prévention, mais en fait ça pourrait être contre-productif aussi par rapport aux fragilités du pisé. Alors cette carte, effectivement, il y a des endroits où il y a beaucoup plus de concentration, et je me suis demandé pourquoi. Je crois que peut-être que c'est des endroits où il y a eu moins de renouvellement urbain, parce que par exemple dans tous ces quartiers ici il y a eu énormément de renouvellement urbain. Peut-être que c'est des endroits où aussi il y a plus de chercheurs qui s'y sont intéressés. Par exemple, sur la Croix-Rousse, on est au moins 5 ou 6 chercheurs à avoir cartographié les mêmes bâtiments. Alors que sur des quartiers comme derrière la Part-Dieu, dans le 3e, il n'y a personne qui n'est allé voir. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Et puis je crois aussi que c'est pas parce qu'il y a un point isolé que c'est isolé. Ça devrait plutôt nous inciter à nous dire, à partir du moment où c'est la face visible de l'iceberg, et à partir du moment où il y a un bâtiment qui a été visible, c'est que l'enduit n'est pas tombé pile sur le seul bâtiment du quartier où il y avait du pisé. Enfin, ça paraît très absurde. Voilà. Donc c'est difficile de répondre aussi parce qu'il y a cette difficulté d'identification et le renouvellement urbain qui va très très vite et qui est dans certains quartiers entamé depuis les années 50-60. Je trouve très intéressante la question qu'a posée Jean tout à l'heure sur qu'est-ce que t'apprends la cartographie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une question que soulève ta thèse aussi, ce serait finalement celle de la continuité, de la faisabilité d'un cuisine urbain. Il y a des enjeux, qui sont des enjeux aussi qu'on connaît aujourd'hui, énergétiques et autres, et puis sur une architecture plus qualité écologique. Et on voit effectivement qu'il y a en ce moment des grands projets qui se préfigurent, comme à Paris, avec le Grand Paris, où on parle en ce moment de milliers de logements qui pourraient être faits par milliers en ville de terre, par exemple. Donc il y a un débat là-dessus extrêmement intéressant, et la cartographie, je pense, peut renseigner sur certaines conditions de cette faisabilité. Finalement, comme tu disais tout à l'heure, la géologie, la diversité de la géologie du site de Lyon, hein, qui est partagée entre plaines alluviales, collines, etc., n'est pas un handicap à la construction d'un pays, dans le contexte urbain. Alors aujourd'hui, comment on pourrait se saisir encore de ce potentiel, et quelles seraient les conditions à mettre en place pour rétablir une filière effectivement actuelle de construction en pisé urbain ou en terre, en milieu urbain. Ta thèse questionne aussi ce niveau. Donc, il ne faut pas oublier, même si c'est effectivement quand même un apport à la connaissance à travers l'évidence d'une cartographie de cette architecture en pisé urbain, il y a plus que ça, elle nous renseigne plus sur... elle est reliée à des questionnements beaucoup plus contemporains. C'est ça que je pense qu'il faudrait bien mettre en évidence aussi dans ton travail. Oui, il y a Hugo qui est pile dans l'axe derrière moi, qui travaille sur ces questions aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup à faire avec essayer de caractériser, essayer de mieux comprendre ce bâti ancien, donc... ce qui m'amène un petit peu à mettre des œillères. Je trouve que il y a aussi autre chose, c'est que là on a parlé du bâti ancien existant, mais d'un point de vue archéologique, à Lyon, les archéologues ont montré qu'à l'époque romaine, toute la ville fondée par les Romains est, mis à part les monuments publics, est entièrement construite en terre, y compris des grandes villas, y compris des habitats très prestigieux. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est avec la même terre, évidemment, mais avec des techniques qui n'ont rien à voir. C'est pas du pisé, c'est de la daube, donc de la brique crue et du torchis. Or, c'est des modes de construction aussi qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui à Lyon. Et je pense que ça peut nous amener intellectuellement à ouvrir aussi par rapport Aujourd'hui, certaines pratiques qui nous diraient, pour tel type de terre, on va construire avec telle technique de fuseau granulaire, de granulométrie, du pisé, il est comme ça. Et ben, on voit bien sur le terrain que c'est beaucoup plus large que tel qu'on imagine les choses aujourd'hui. Et, par exemple, sur du pisé, on a des pisés qui utilisent du leus, qui est une terre extrêmement fine de dépôt éolien. Et puis, on a du pisé qui, les gens me disent, mais c'est pas de la terre, c'est du caillou. Parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de terre et qu'il y a des gros galets et des gros cailloux. Donc, une très grande diversité de terres employées. Il semblerait que on est plutôt adapté le savoir-faire, enfin la mise en œuvre, que la terre, pour utiliser la terre qui était sur site, sur place. La relation historique et archéologique est très passionnante, surtout sur Lyon, parce que les travaux exceptionnels qui ont été faits par Armand Desbats, et puis plus récemment par la thèse de Benjamin Piron, qui a révélé à nouveau des sites d'époque romaine entièrement. Moi j'en ai peut-être une qui est peut-être un peu naïve parce que je suis pas architecte, mais pourquoi cet intérêt pour le fusé, enfin, je suis arrivé moi, sur les matériaux naturels avec l'envie de mieux connaître les techniques vernaculaires qui sont peu approchés en fait dans le milieu des monuments historiques aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a amené à aller vers Cratère et à faire le DSA. Avec une forte actualité dont vient aussi de parler Hubert, qui est le potentiel écologique de ces matériaux, puisque là on voit qu'on a pu construire des immeubles importants dans des quartiers avec la terre que les gens avaient à proximité directe. C'est très difficile d'ailleurs de savoir d'où vient la terre exactement, mais on imagine bien qu'on n'est pas allé forcément la chercher à 10 km. Et d'ailleurs, on voit une assez bonne correspondance entre les terres employées et la carte géologique. Et je pense que c'est cette capacité écologique aussi qui fait que dans le monde dans lequel on est, c'est des questionnements importants et qui, moi, me touchent particulièrement. Et voilà, d'où cet intérêt. Peut-être que je vais rebondir du coup. Tu as beaucoup parlé d'échantillons, enfin de premières pistes de zones sur lesquelles on peut zoomer. Mmh. Est-ce que du coup il y a aussi une question sur la typologie, parler d'immeubles de grande hauteur construits en pisé, justement par rapport aux questions actuelles sur la construction écologique. Est-ce que ça c'est une piste privilégiée par rapport à cet enjeu-là de la terre ou... Comment est-ce que tu envisages cet échantillonnage en fait ? Alors, l'échantillonnage, il est basé sur plusieurs paramètres. Et notamment, il y a un paramètre de la représentativité de la typologie. On a des types très très différents. J'ai un petit peu montré rapidement, mais ça va de l'immeuble de grande hauteur au mur de clôture. Ça, il y en a partout. Des anciens hangars industriels, des anciennes granges qui se retrouvent en contexte urbain ou des anciens bâtiments agricoles. Donc une très grande diversité. Évidemment, la présence d'immeubles de grande hauteur dans la typologie, elle est assez fondamentale parce qu'elle vient aussi un peu en contre-indication avec les normes actuelles qui sont de sismique, etc. On ne peut pas trop monter. Enfin, et quand on voit des immeubles qui font 20 mètres de haut, alors certes, tout n'est pas en pisé, mais où le pisé est assez présent. C'est une vraie démonstration sur les capacités constructives du pisé. Moi j'aurais une question par rapport au fait que tu interroges l'aspect de la construction vernaculaire en fait avec le matériau pisé. Est-ce que possiblement ta thèse, mais je pense que oui, ouvre sur une réactualisation des méthodes de mise en œuvre de ce matériau, et je pense notamment à l'utilisation de modules préfabriqués en, en Pisé, par exemple le bâtiment d'Herzog et de Meuron, qui a été livré en 2014 à Bâle, utilise le Pisé, mais peut-être plus, avec des méthodes peut-être encore plus actuelles. Et est-ce que du coup ta thèse ouvre là-dessus pour mettre en avant la qualité de ce matériau, mais avec des mises en œuvre plus contemporaines? Alors, comme là je m'intéresse au bâti ancien, c'est des modes de construction qui ne sont pas présents dans le bâti ancien à Lyon, où les choses étaient construites en place, avec une difficulté d'aller vraiment dans le cœur de la mise en œuvre, parce que comme tout est enduit, il faudrait avoir des grandes fenêtres sur certains bâtiments pour pouvoir mesurer les banchers, etc. Enfin, et ça c'est assez rare en fait de pouvoir le faire, parce que souvent ce qu'on voit c'est grand comme ça, et on ne peut pas en déduire grand chose sur la mise en œuvre. Oui, je pense que c'est un peu compliqué d'aller plus loin, si ce n'est que ça vient quand même interroger la présence de la terre en ville, qui est quelque chose auquel on ne penserait pas, parce que en plus tout est bitumé aujourd'hui, on ne voit plus qu'on marche, il y a de la terre sous les pieds. Et de la difficulté aussi d'utiliser un chantier avec de la terre en ville. Aujourd'hui, on arrive avec le camion tout petit, donc il faut qu'on ait le moins d'impact possible sur l'espace public. Ça, je ne sais pas si ce que je vais pouvoir voir dans des approfondissements au niveau des archives, parce que souvent c'est des archives privées, savoir où était prélevée exactement la terre, quel était l'impact qu'il y avait sur l'espace public de ce mode de construction, est-ce que ça avait plus d'impact que la construction en pierre, c'est difficile à répondre. Il y a un ethnologue qui avait travaillé avec Dominique Bertin et Anne-Sophie Clémenceau dans les années 80, qui avait entendu parler d'une interdiction, dont moi je n'ai pas retrouvé les textes, d'une interdiction de fouler la terre en ville à partir du XXe siècle. Mais voilà, donc ce qui pourrait aussi mettre en avant les avantages de la préfabrication où on fabrique en dehors, mais où du coup on n'est plus forcément dans la même logique de proximité directe du matériau. Il y a aussi des enjeux fonciers qui militent un peu contre les murs trop épais aussi. Ça existe depuis l'Antiquité. Mm-hmm. Parce qu'à Rome, déjà, on avait interdit la construction de l'habitat et des murs en ville de terre. En visée de grosses épaisseurs pour les remplacer par de saturnois et du renage. Donc, tu vois, tout ça, c'est des questions qui ont toujours existé et qui sont toujours actuelles. On ne se rend pas compte, mais c'est la dimension d'un territoire urbain, le fait de passer de 20 cm à 50 cm, ça finit par faire pas mal de surface. C'est énorme. Oui, après, si l'idée c'est d'avoir davantage de repérage de pisé, je pense qu'en fait il y en a déjà suffisamment ici et que. Non, je pensais plutôt sur encore plus que tu as déjà identifié en fait. Parce que tu disais en fait, ce qui est difficile c'est qu'il faudrait avoir des sondages finalement, des formes de sondage pour voir comment c'est fait. Au moment où il y aura pas de façade, il y a déjà une forme de. Tout à fait. Sondage. C'est les gens qui documentent ça pour des raisons de sécurité, donc il n'y a rien à voir, et qui du coup sont amenés en fait à prendre des photos. Ça fait partie, c'est des pistes que j'avais pas pensé au SPS et au contrôleur technique, j'avais plus pensé aux entreprises et puis aux maîtreurs aussi, qui souvent interviennent dans au niveau des façades à Lyon. Mais oui, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, le SPS, surtout, il y a plein de photos dans les rapports SPS et chantiers. Et souvent, c'est les traces qu'on met. si on prend des photos de l'état d'avancement du chantier par rapport aux critères de sécurité, ça fait partie de la mission. Je pense que c'est dans les milieux. Merci beaucoup. Merci déjà. Moi, je voulais te parler par rapport à ton intérêt des trois villes que tu nous as aussi présentées dans tes recherches, ou tu l'as regardé plus pour Perpignan. Oui, c'est notamment Perpignan, oui, qui me paraît très intéressant. Donc en fait, avec toutes les hypothèses et toutes les orientations possibles, en fait, qu'est-ce que tu vas vraiment regarder dans comparer dans ces villes, parce que ça fait aussi un boulot alors, important. L'idée, peut-être que tu as fini. Non, c'est ça, c'est pourquoi en fait ces trois villes et encore. L'idée, c'est de mettre en perspective les modes de gestion actuels et notamment ce qui est, moi, m'interpelle beaucoup à Perpignan. Alors, Perpignan est ressorti déjà parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par des archéologues, à nouveau eux qui ont identifié justement la présence du pisé très récemment, hein, autour des années 90 et surtout 2000, dans la région d'Occ-Roussillon, et qui, à l'occasion de fouilles de sauvetage avant des destructions, des choses comme ça, de diagnostics archéologiques, ont été très surpris de repérer du pisé dans plusieurs villes. Il y a Montpellier aussi, il y a il n'y a pas que Perpignan, mais Perpignan, il semblerait que ce soit encore mieux préservé et que ça corresponde à des quartiers entiers construits au Moyen-Âge. Et ce qui m'a interpellé, c'est le fait que ce soit vraiment des quartiers urbains et urbanisés, donc avec vraiment un parallèle très fort visiblement avec Lyon, même si ce n'est pas la même époque. Et puis, deuxièmement, c'est la méconnaissance aujourd'hui, puisque on semble complètement découvrir ça. Et j'ai mis cette photo ici parce que du coup j'ai fait quelques recherches sur Perpignan et je me suis rendu compte que notamment il y avait eu dans ces quartiers des effondrements et que la possibilité de présence de pisé et du coup la fragilité à l'eau que ça peut induire sur ces constructions n'était jamais évoquée. Donc ça semble complètement absent aujourd'hui du débat. Sachant qu'en plus ce sont des quartiers assez paupérisés. Et ça, ce parallèle me paraissait vraiment très criant, et c'est la seule, hormis les autres villes de la région Rhône-Alpes, où là il me semble qu'il y ait bien du pisé un petit peu dans les mêmes genres de quartiers qu'à Lyon, mais en dehors de cette région, c'est la seule ville que j'ai identifiée pour l'instant à travers la bibliographie qui présente autant de pisés en France. Donc il existe déjà un inventaire sur ces villes ? Alors, il n'y a pas d'inventaire sur Perpignan. Par contre, ce que les archéologues ont eu l'impression de voir, c'est que toutes les maisons de ces quartiers qui datent du 13e, 14e présentent toutes du pisé dans leur construction. Donc après, c'est à travers certains bâtiments qu'ils ont déjà étudiés. Voilà.